Le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 4 un entretien. En voici le résumé. Maintenant, les forces hostiles guidées par les États-Unis, surprises par notre essai d'explosion de l'ogive nucléaire, se démènent désespérément. La bande de Bakouni a décidé la sanction séparée en se joignant aveuglément au suzerain américain qui a fabriqué une résolution de sanctions illégales contre la République populaire démocratique de Corée pour s'y mettre à la tête de tous. Après l'adoption de la résolution de sanctions à l'ONU, les autorités sud-coréennes ont accordé une conférence de presse dans la nuit avancée pour féliciter la résolution et l'apprécier comme une mesure de jalon, avant de publier un projet de sanctions séparées tout en déclarant de remorquer en tête l'application de la résolution. Elles ont supplémenté aux objets de sanctions des établissements de direction suprême et des cadres importants de notre parti et de notre État, et ajouté au projet de sanctions séparées des contenus variés, impossibles du point de vue de leur position et de leur capacité. En fait, la sanction séparée de la bande de Bakouni n'est qu'un acte suicidaire. Le blocage intégral des rapports intercoréens porte atteinte aux entreprises sud-coréennes et ce sont les fantasmes sud-coréens qui subissent une perte astronomique au fil des jours dans une île artificielle dont les voies aériennes et maritimes et la route sont coupées par la ligne de démarcation militaire divisant en deux le territoire. Nous avons dignement déclaré déjà que nous pourrons vivre bel et bien sans la Corée du Sud et verrons comment la Corée du Sud vivra à notre abandon. Vaut mieux pour Bakouni de penser à notre déclaration. Bakouni et sa bande doivent savoir correctement que la sanction, qui n'est qu'une mesure de mauvaise intention et une démarche téméraire, est un acte suicidaire anticipant la mort pitoyable des traîtres.